Chapitre 8e. Bien que les visites de Madame de Lucilière ne fussent pas précisément favorables au repos du colonel, bien que les heures d'attente pendant lesquelles il se donnait la fièvre fussent absolument mauvaises pour sa tranquillité, sa convalescence cependant avait suivi une marche assez régulière, et même elle avait été beaucoup plus vite qu'on ne devait l'attendre des circonstances au milieu desquelles elle s'accomplissait. Il n'était pas survenu la plus légère complication du côté de la blessure. Les forces étaient promptement rétablies, et si la fièvre persistait encore, elle ne prenait pas un caractère sérieux pour le moment, menaçant pour l'avenir. Elle surprenait le médecin qui, bien entendu, ignorait la cause qui l'engendrait. Elle ne l'inquiétait pas. D'ailleurs, le colonel prenait soin de le rassurer lui-même à ce sujet. « Comment ? Encore le pouls fébricitant ce soir ?» Je me suis impatienté dans la journée et me suis donné un accès de colère. Et il ne faut pas de cela. Un homme comme vous ne se met pas en colère. C'est bon pour une femmelette de se laisser aller à l'impatience au point de se donner la fièvre. Savez-vous ce que je fais, moi, quand je sens que la colère va me prendre? Je compte jusqu'à 100, sans me presser. C'est un remède souverain. Comme le lendemain, le colonel avait encore eu la fièvre, le médecin m'a demandé si son remède avait été employé. J'ai compté jusqu'à 10 000, et plus je comptais, plus je m'impatientais. C'est curieux. La chose eût paru moins curieuse au médecin si le colonel avait ajouté que c'était en attendant la marquise, qui n'était pas venue, qu'il s'était livré à ce calcul. Mais il s'était bien gardé de cette confidence. Enfin, après avoir permis à son malade de quitter le lit, le médecin lui avait promis de l'autoriser bientôt à quitter la chambre. Une petite promenade dans le parc, à l'ombre, vous fera grand bien et hâtera votre rétablissement. Je sais maintenant ce qui vous donne la fièvre. Ah, vous avez trouvé pourquoi votre remède de compter jusqu'à 100 n'était pas souverain avec moi. Parfaitement, avec vous, il était détestable. Vous vous ennuyez, n'est-ce pas? Vous voulez quitter ce château le plus tôt possible. Cela se comprend, de reste. Vous n'êtes pas venu en France pour passer votre temps dans une chambre. C'est évident, cela. Paris vous attire. À votre âge, quoi de plus naturel? De là votre impatience, vos accès de colère, et finalement la fièvre. C'est logique. J'espère vous donner bientôt la clé des champs, et vous renvoyer dans ce Paris qui vous appelle avec ses séductions irrésistibles. Seulement, vous savez, il faudra être sage pendant les premiers temps. Pas trop de fatigue. De la modération, mon cher malade, de la modération. C'est avant tout ce que je vous recommande, et ce sera le conseil que je vous répéterai en me séparant de vous, c'est-à-dire bientôt. » Le colonel avait gardé son sérieux en écoutant le médecin expliquer longuement les raisons naturelles et logiques pour lesquelles il s'ennuyait à Chalençon, et voulait au plus vite retourner à Paris, dans ce Paris plein pour lui de séductions irrésistibles. Et non, il ne voulait pas retourner à Paris. Non, Paris n'était pas plein pour lui de séductions irrésistibles. Non, il ne s'ennuyait pas, à Chalençon au moins, dans le sens que le médecin donnait à ce mot. À Paris, plus de tête-à-tête avec la marquise, plus d'intimité. Il se rappelait leur promenade dans l'enceinte du pesage et savait parfaitement que tout ce qui s'était présenté alors pour lui fermer la bouche se renouvellerait à Paris à chaque instant, à chaque pas et à propos de tout. L'heure n'était pas venue de quitter Chalençon pour Paris. Mais ce n'était pas là des raisons naturelles et logiques à donner au médecin. Cependant, d'un autre côté, il ne fallait pas que celui-ci persistât dans son idée, car il était homme à déclarer tout haut, et à qui voudrait l'entendre que maintenant son malade, qu'il avait sauvé de la mort, avait besoin de Paris et de ses distractions pour achever sa convalescence. Comment rester à Chalençon si le médecin faisait part de sa découverte à M. de Lucilière? « Je crois que vous avez très habilement diagnostiqué mon cas, » dit le colonel, « n'est-ce pas ? Seulement, vous poussez peut-être la logique un peu trop loin. Non, non, je sais pourquoi vous vous ennuyez, il faut des distractions. Pour cela, rien n'est plus juste. Seulement, où vous allez un peu loin, c'est en pensant que je ne peux me distraire qu'à Paris, qui ne m'attire pas au point que vous croyez. Mais alors, laissez-moi m'expliquer. Je vous répète que vous avez parfaitement trouvé que la cause de mon impatience, de mes colères et finalement de ma fièvre, était l'ennui. Mais cet ennui est amené et engendré par ma longue réclusion dans cette chambre. Dès que je pourrais sortir, prendre l'air, marcher, je ne m'ennuierai plus, vous croyez? J'en suis certain. Que suis-je? un soldat, un homme de mouvement, ayant l'habitude et par suite le besoin d'exercices violents, de fatigue. Il est de fait, soyez assurés que c'est là ce qu'il me faut. Je me connais. Et où pourrais-je trouver ce bonheur dont j'ai besoin? L'espace qu'il me faut. Pas à Paris, n'est-ce pas? J'ai tout fait dans mon appartement du Grand Hôtel. Tandis qu'à Chalençon, il me semble que je suis dans les meilleures conditions pour terminer ma convalescence. Seulement, il faut que vous me permettiez de sortir. Je vous le permets pour demain. Alors, plus d'ennuis, mais de bonnes promenades dans les bois. Ce qui me sera salutaire, car j'ai été élevé dans les forêts. Ainsi, docteur, je ne vous quitterai pas de sitôt, à moins que vous ne me renvoyiez, mais pas du tout. Alors, à vous l'honneur entier d'avoir commencé et achevé ma guérison. Il y avait longtemps que le colonel attendait avec impatience cette autorisation de quitter la chambre, qu'allait enfin lui ouvrir les lèvres. Sans doute, dans cette chambre, il avait toute liberté de s'expliquer avec le marquise tout aussi longuement, tout aussi franchement, qu'il pouvait lui convenir. Lorsqu'elle venait passer la journée près de lui, personne, à l'exception d'Horace, ne dérangeait leur tête-à-tête. Maintes fois, les occasions s'étaient présentées d'avoir cette explication, et toujours, il l'avait retenue, imposant silence à ses lèvres. En effet, ce n'était pas en malade qu'il voulait se redresser à Madame de Lucilière, car il était de ceux qui ont pour ainsi dire la honte de la maladie. N'ayant jamais éprouvé la plus légère indisposition depuis son enfance, il s'était habitué à l'idée qu'un homme dans un lit, ou même simplement dans une chambre, sentant les drogues, est un être ridicule en lui-même, qui devient entièrement grotesque du moment qu'il demande autre chose que de la pitié. Les romans, un moment à la mode, dans lesquels on voit les amoureux poitrinaires faire leurs déclarations avec accompagnement de tout, avait toujours provoqué son dégoût ou son hilarité. Il était donc peu disposé à imiter ses héros plus sensibles que vigoureux. Et ce n'était point avec le bras en écharpe, tremblant la fièvre, qu'il se serait exposé à parler d'amour avec une femme pleine de santé, de gaieté, de vie, telle que la marquise. Mais il aurait craint à chaque instant qu'elle eût parti d'un éclat de rire au nez, ou bien qu'elle eût quelque sourire de commisération, qui l'eût encore plus profondément mortifié. S'il parlait d'amour à Madame de Lucilière, il y était plus que jamais décidé. Il voulait que ce fût en toute liberté, sans avoir à craindre la raillerie de celle à laquelle il s'adresserait, ou même sa propre faiblesse. Ce serait bien assez d'avoir à craindre son émotion, sans être encore retenu par des préoccupations étrangères. Sorti de cette chambre, il sera lui-même et retrouverait sa force et son assurance. C'était en pleine lumière, au milieu des fleurs, avec le bruissement de la brise dans les feuilles, enveloppé des effluves du printemps, qu'on parlait d'amour à une femme qui était elle-même allégresse et lumière, et non dans une chambre de malade au milieu d'une atmosphère de pharmacie. La marquise arrivait à Chalençon au moment où, après son entretien avec le colonel, le médecin quittait le château. « Je sortirai demain, » dit le colonel lorsque la marquise entra dans sa chambre. « Viendrez-vous ?» « Je devais rester à Paris, mais je ne veux pas que cette bonne journée se passe sans moi. Je viendrai donc. De bonne heure. Et vous repartirez. Vous voulez que je reste ici, tout à fait ?» dit-elle en le regardant avec un sourire où il y avait à la fois et de la raillerie et de la tendresse. « Ce n'est pas cela que je voulais dire. Je demandais quand vous repartiriez. Tard, le plus tard possible. » Le lendemain, le colonel se demanda s'il attendrait la marquise dans sa chambre ou bien s'il irait au-devant d'elle. En l'attendant dans sa chambre, il aurait le plaisir de descendre avec elle en s'appuyant sur son bras. Mais en allant au-devant d'elle, il lui donna la preuve qu'il l'attendait avec impatience. Ce fut à ce dernier parti qu'il s'arrêta, préférant au plaisir qu'il pouvait recevoir le plaisir qu'il pouvait donner. Sans doute, la marquise serait sensible à son attention. Un peu avant l'heure de son arrivée, il descendit donc sur ses jambes chancelantes cet escalier qu'il n'avait pas monté. Les marches lui semblèrent bien hautes, et la pierre sur laquelle il posait ses pieds lui parut bien dure. Mais avec quel bien-être il respira le parfum des feuilles et des fleurs lorsqu'il traversa le jardin. Il savait parfaitement qu'il avait été touché par la mort, et qu'il était pour ainsi dire un ressuscité, comme il faisait bon vivre, le bon soleil, les belles fleurs. Les gens du château qui ne l'avaient pas vu, mais qui avaient tant entendu parler de lui, le regardaient avec curiosité, et il les saluait affectueusement, heureux de revoir des hommes. Il voulut aller jusqu'au bout de l'avenue auprès de la maison du concierge et là il s'assit sur un banc. « Maintenant tu peux t'en aller, » dit-il à Horace qui l'avait accompagné. Mais celui-ci ne l'entendait pas ainsi. Et il fit très justement observer à son maître que pour une première sortie il y avait imprudence à rester seul. « C'est précisément rester seul que je veux. Laisse-moi. » Horace hésita un moment. Mais bientôt il comprit pourquoi le colonel voulait être seul, et il s'éloigna. Seulement, au lieu d'aller au château, il alla se placer derrière un arbre d'où il pouvait voir son maître sans être vu. Quand la marquise arriverait, il abandonnerait sa surveillance. Au bout d'un quart d'heure environ, on entendit le trot de deux chevaux sur la route et le roulement d'une voiture. Puis, presque aussitôt, le concierge, sortant de son pavillon, alla ouvrir la grille à deux battants. Le colonel quitta son banc et s'avança au milieu de l'allée. La voiture, qui arrivait rapidement, s'arrêta, et la marquise sauta à terre, légère comme un oiseau. « Et quoi ? » dit-elle d'un ton de gronderie. « Vous ici, quelle imprudence ! » !»« J'ai voulu vous voir plus tôt. »« Vraiment ? » dit-elle en lui prenant le bras et en le posant sur le sien. « Je n'ai pas pu attendre. »« Et moi qui me faisais fait de vous aider à descendre l'escalier ?»« Moi, je me suis fait de vous surprendre. Ai-je eu tort ? » ?»« Je ne dis pas cela. Et puisque vous n'avez pas voulu vous servir de mon bras dans l'escalier, servez-vous-en au moins dans le parc. Allons, appuyez-vous, n'ayez pas peur, je suis forte. » Elle l'entraîna doucement. « Où voulez-vous aller ? » ?»« Où vous voudrez, pourvu que nous soyons ensemble. » »« Je ne connais pas ces jardins, ce parc que j'ai traversé. » Les yeux fermés quand on m'a apporté ici comme un mort. Aujourd'hui que je les ouvre, tout me paraît charmant. Le printemps est plus beau cette année qu'il n'a jamais été. Les feuilles ont une verdure veloutée que je ne connaissais pas. Les fleurs exhalent des parfums que je respire pour la première fois. Il me semble que je nais à la vie. Non comme un enfant dont les sens sont engourdis pour tout, excepté pour la souffrance, mais comme un homme dont les sens, arrivés au plus haut degré d'excitation, sont prêts à jouir de tout. Il marchait doucement d'un même pas sous les grands arbres de l'avenue, qui les couvraient de leur ombrage. C'était le colonel qui appuyait son bras sur celui de la marquise, et c'était elle qui réglait leurs pas. Pour l'écouter, elle se haussait vers lui, et alors elle posait presque sa tête contre son épaule. « Eh bien, dit-elle, vous vous taisez. Vous riez de mon enthousiasme de collégien échappé. Ah, certes non, je l'admire. Êtes-vous heureux d'avoir cette jeunesse et cette intensité de sentiments ? Savez-vous que vous êtes un original dans notre monde, mon cher colonel ? Vous disiez l'autre jour un sauvage. Précisément. Et voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais « vous vous taisez ». C'était une invitation très sincère à continuer. Car si vous êtes heureux de tout ce qui vous entoure, moi, je suis heureuse de vous entendre. Heureuse ? Dit-il en se penchant vers elle et en la regardant longuement. « Oui, heureuse, très heureuse. Vous êtes le nouveau, l'inconnu. Vous parlez une langue que je n'ai jamais entendue. Et que vous comprenez ? Oh, cela, pas toujours. Ou tout au moins quand elle fait naître en moi des idées ou plus justement des sentiments qui me paraissent inexplicables. Aussi, comment se fait-il que depuis que je vous connais, j'ai été entraîné maintes fois, et sans savoir pourquoi, à dire comme à faire bien souvent, ce qui n'était ni dans mon caractère, ni dans ma nature, ni dans mes habitudes. C'est là ce que je me suis demandé et ce que maintenant je vous demande, puisque je ne trouve pas moi-même de réponse. » En parlant ainsi, elle tenait la tête levée vers lui, et ses yeux alanguis expliquaient ce qu'elle mettait d'obscur à dessein dans ses paroles embarrassées. Aussi, complétées par le regard, ses paroles devenaient-elles parfaitement claires, et ne pouvait-il pas se méprendre sur leur sens ? C'est que sans doute, dit-il après un moment de silence, vous subissez une influence qui vous domine et vous attire. Ah, rien n'est plus vrai. » Bien qu'ils marchassent lentement, ils étaient sortis de l'avenue, et après avoir suivi une allée du parc, ils étaient arrivés devant un pavillon entièrement caché sous une vigoureuse végétation de plantes grimpantes. « Entrons là, » dit Madame de Lucilière. « Vous pourrez vous reposer un moment. Pour votre premier jour de sortie, il ne faut pas faire d'imprudence. » Il se laissa conduire, et il s'assit auprès de la marquise sans avoir bien conscience de l'endroit où il se trouvait et des choses qui l'entouraient. Son esprit était ailleurs. Il était aux paroles qu'il venait d'entendre et qui faisaient bouillonner le sang dans ses veines. « Comment êtes-vous ? dit-elle d'une voix maternelle. « Ah, je ne sais pas. Je vous en prie, ne parlons pas de cela. Je suis bien, très bien, aussi bien qu'on peut être. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Reprenons plutôt ce que nous disions quand nous sommes entrés ici. Et que disiez-vous donc, ou plutôt que disais-je moi-même ?» Elle le regarda comme si elle allait lire en lui, sur son visage et dans ses yeux, les dernières paroles qu'il avait prononcées. « Oh, les paroles importent peu par elles-mêmes, » dit-il. « C'est leur sens qui me touche et qui m'entraîne. Tout à l'heure, précisément, vous parliez de cette puissance mystérieuse qui s'exerce sur nous, sur notre cœur, sur nos idées, sur nos sentiments, sans que nous puissions comprendre l'influence qui nous domine. Ah oui, c'est vrai. Et je vous demandais, n'est-ce pas, de m'expliquer à quoi tenait cette influence, d'où elle venait, et comment elle nous dominait à notre insu. Vous avez réponse à cette question ? Oui, si vous voulez me permettre de parler franchement. Mais vous savez bien que ce qui me plaît par-dessus tout en vous, c'est votre franchise. » Il garda un moment le silence. Puis tout à coup, se tournant vivement vers elle, de sorte qu'ils se trouvèrent bien en face l'un de l'autre, les yeux dans les yeux. « Si je tenais tant, dit-il, à passer avec vous cette journée où, pour la première fois, je redeviens moi-même en cessant d'être un malheureux malade, qui ne peut inspirer que la pitié, dites la sympathie, l'intérêt, l'affection, le dévouement, tout ce que vous voudrez, mais pas la pitié. Vous ne vous souvenez donc pas que je vous ai avoué qu'au moment où vous avez descendu de voiture, je vous avais trouvé superbe. Si j'ai tenu si vivement à nous assurer ce tête-à-tête, c'est que je voulais reprendre, ou plutôt avoir avec vous l'entretien que je vous avais demandé à notre première entrevue au bois de Boulogne. Entretien que je vous avais accordé et que vous n'avez pas abordé, disant, si je m'en souviens bien, que vous le remettiez à une heure où je serais plus libre de vous entendre, et pour lequel je venais ici. Eh bien, ce que je voulais vous dire au bois de Boulogne, ce que je voulais vous dire en venant ici, ce que j'ai résolu de vous dire pendant les journées de ma maladie, où j'ai pu mieux voir et mieux vous connaître, c'est que sur moi s'est établie une influence qui me domine et qui m'entraîne, mais qui n'exerce pas sa puissance sur mon cœur à mon insu. C'est que je vous aime. Vous, vous m'aimez. Je vous aime. Ah, je vous en prie, ne détournez pas les yeux. Pourquoi les détournerais-je ? Il n'y a rien dans vos paroles qui ne me rende parfaitement heureuse. Heureuse ? Et il étendit le bras pour la tirer contre lui, mais vivement elle se leva et reculant de deux pas. « N'oubliez pas où vous êtes, » dit-elle. « Mais près de vous. »« Oui, près de moi, mais chez M. de Lucilière, dans sa maison. »